scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrey, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1968, quatrième émission. En 1968, chacun s'en souvient, pour les avoir vécus ou pour se les être fait raconter au cours d'une veillée familiale, il y eut les événements. Et chacun sait bien que ces événements de mai-juin 68 commencèrent au minimum le 22 mars à Nanterre, puisqu'il faut bien fixer une date. Nanterre a donc bougé, comment va répondre Paris ? Le 3 mai, Daniel Cohn-Bendit est au micro pour parler de la crise de l'université. Pour l'heure, il n'est question que de l'université. Voici donc mai-juin 68, ou plus exactement mai 68. Historique, mais non exhaustif, on s'en doute. De grands moments, des moments de radio, ce que furent aussi les événements de 68 de la radio. Daniel Cohn-Bendit, nous sommes dans la cour de la Sorbonne. On a parlé des enragés de Nanterre. On a dit que les mouvements étudiants étaient le fait d'un très petit groupe d'étudiants. Or, lorsque je regarde cette cour de la Sorbonne, je constate qu'il y a 400, 500 personnes au maximum. Je constate aussi qu'il y a des groupes d'action casqués avec des manches de bêche qui sont prêts à intervenir. Alors, comment expliquez-vous tout ça ? Bon, parce qu'il y a deux problèmes différents. Bon, les groupes d'intervention, disons, proviennent de l'attaque du mouvement Occident contre plusieurs locaux de l'UNEF, etc. Je ne veux pas rappeler l'historique, tout le monde le sait. Donc, il faut se défendre contre le mouvement Occident, et on ne se défend pas par la parole contre le mouvement Occident. Ça, tout le monde le sait. Bon, donc la première explication est claire. La deuxième, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'étudiants, 400, 500, bref, à la Sorbonne, mais il n'y a pas eu de mobilisation. Il est effectivement très difficile de mobiliser les étudiants comme ça dans la strée pour ce qui se passe à Nanterre, étant donné que l'on l'a appris hier soir, et vous ne mobilisez pas des milliers d'étudiants du jour au lendemain. Je crois qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une explication de ce qui se passe à Nanterre. Et s'il faut qu'il y ait un soutien massif des étudiants, lundi, à ceux qui comparaissent devant la commission de discipline. Alors comment va se manifester votre soutien ? Notre soutien va se manifester par un soutien de gens qui seront à la Sorbonne, qui seront prêts justement à soutenir par leur présence les étudiants qui comparaîtront devant la commission de discipline, la commission d'enquête. Une présence active ou une présence passive ? Ah ben ça, écoutez, les étudiants de Nanterre ici n'ont pas grand-chose à voir avec l'organisation de cette journée de lundi. Eux, ils préparent leur défense devant la commission et c'est l'UNEF qui prend en charge la préparation du meeting de lundi matin. Daniel Cohn-Bendit, on a beaucoup dit que vous étiez d'origine allemande. Est-ce que ça vous gêne pour être un des leaders du mouvement étudiant français ? Oh, vous savez, d'origine allemande, on a dit à mes parents quand ils sont partis en 33 d'Allemagne, j'ai encore chez moi la lettre, que mon père n'avait plus droit à la nationalité allemande étant donné qu'il était juif. Alors vous comprenez qu'on me rappelle maintenant comme dans Minute que je suis juif et allemand, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si les gens veulent absolument que je sois allemand parce que j'ai un passeport allemand dû à une situation de famille quand même exceptionnelle, qu'ils le disent. Moi, j'ai vécu longtemps en France et les nationalités, ça ne me touche pas du tout. Je suis ni français ni allemand. Comment voyez-vous l'évolution de ce mouvement qui a l'air de prendre un peu d'ampleur ? Est-ce que vous pensez qu'il va atteindre les mêmes proportions qu'en Allemagne ou en Italie ? Ça, c'est du prophétisme. Je ne suis pas prophète. S'il y a effectivement, comme beaucoup de gens semblent l'analyser, une crise aussi à l'université française, le mouvement va se développer. Alors, si vous voulez bien, parlons un peu de ces groupes d'intervention qui sont là, à quelques mètres de nous, avec des manches de bêche, dont certains sont casqués. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des morts dans l'université ? Ah non. Vous savez, vous faites comme si ça n'existait pas avant. Depuis la guerre d'Algérie, il y a le mouvement Occident, et depuis, il y a la protection de tous les meetings à la Sorbonne par des groupes d'action. Et je me rappelle d'une attaque du mouvement Occident contre justement, un meeting dans la cour de la Sorbonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est le mouvement Occident ? Oh, c'est un groupuscule fasciste qui s'énerve, qui rassemble quelques paras, etc., pour nous embêter. Alors, la dernière fois qu'ils sont intervenus, ils ont mis le feu dans les locaux des syndicats universitaires des lettres. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris ça? Vous avez fait des représailles ou vous avez... On ne réagit pas par des représailles, où c'est le mouvement Occident a montré, si vous voulez, sa faiblesse en incendiant un local vide, c'est tout. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'ils veulent prendre à partie des militants chez eux. C'est ça, effectivement, le seul danger réel. Trois jours plus tard, Jean-Pierre Elkabbach appelle le reporter boulevard Saint-Germain. Je pense que, comme vous l'avez entendu, à 19h, il va pouvoir nous renseigner sur les manifestations. Jean-Pierre Elkabbach, en direct. Vous êtes sur l'antenne. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois, les manifestants ont chargé les CRS, trois fois, les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS. Ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous? Eh bien, je me trouve devant le Mabillon, exactement. Mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas des CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés. Et une nouvelle fois, les voitures font les frais de l'opération car les voitures ont été mises au travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Une scène d'une violence inouïe. Comment les étudiants sont lâchés? Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz asphyxiants, ou du moins des gaz qui font tousser. Nuit du 10 au 11 mai, ça s'amplifie, c'était extraordinaire, ça devient sauvage au quartier latin. Pirantac, je me trouve toujours rue de l'Estrapade et rue Toin. C'est un combat sauvage. Je vous affirme que le mot n'est pas trop. Les étudiants sont maintenant massés derrière les deux ou trois dernières barricades qui restent. Ils ont mis le feu à des voitures et de temps en temps, on entend la lourde explosion d'un réservoir d'essence. Les flammes montent, c'est un jet continu de grenades lacrymogènes et également de cocktails Molotov. Les pavés volent, je crois que nous sommes en train d'assister au dernier moment de ce réduit. Et puis, dans la rue de l'Estrapade, loin devant, on voit un camion de police qui arrive, on voit son clignotant. Et sur cette petite place, c'est un va-et-vient constant, les étudiants allant d'un côté à l'autre de ce dernier triangle de résistance. Les voitures continuent de brûler, rue Touin. Les étudiants vont refluer vers cette barricade. Je vois là-bas une flamme. La voiture de police approche et j'imagine que derrière doivent se trouver des éléments du service d'ordre. La rue de l'Estrapade est entièrement coupée par une barricade faite de bois et de voitures automobiles. Un peu plus à l'ouest, rue Gay-Lussac. Pierre Lantenac, que se passe... Oui ? Ah, je crois que... Pierre Lantenac ? Oui ? Oui, alors... Bien, la tension ici a brusquement monté très rapidement. Maintenant, il semble que le moindre incident pourrait vraiment... Maintenant dégénéré. Grenade lacrymogène juste devant les grilles du bac de Luxembourg. Grenade également lacrymogène du côté. Oui. Grenade lacrymogène donc rue Gay-Lussac. Les gardes mobiles, les CRS arriveraient, dit-on, et progresseraient vers les barricades de la rue Gay-Lussac en venant de Port-Royal. Les yeux piquent. C'est maintenant l'affolement et tout le monde crie aux barricades et entre dans l'espace qui sépare précisément ces deux barricades, et bien maintenant le vide se fait, tout le monde monte aux barricades armé de pavés, les mouchoirs se mettent sur le nez et la tension a d'un seul coup monté. Elle a monté au moment précisément où je voulais demander à des leaders étudiants, à des porte-paroles, ce qu'ils pensaient des déclarations de Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, à côté de moi, j'ai une étudiante ou un étudiant. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe? Il exprime exactement l'opinion de tout le monde ici. Il est évident que nous reculerons pas devant le gouvernement et nous resterons ici jusqu'à temps que le gouvernement cède sur les trois points de l'UNEF. Les trois points, rappelez-les. Alors, les trois points, c'est premièrement la libération de nos camarades qui sont en prison, deuxièmement, la Sorbonne aux étudiants, et troisièmement, l'évacuation des forces de police au quartier latin. Donc, tant qu'il y aura un seul représentant des services de... Et le point le plus important, c'est la libération de nos camarades, ouvriers et étudiants qui ont été arrêtés par la police. Bien, que s'est-il passé exactement en haut de la rue Gay-Lussac? En haut de la rue Gay-Lussac, on a envoyé des gaz, on ne sait pas exactement... C'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est pas du lacrymogène, parce qu'on on pleure pas tellement. Oui, mais... si on pleure. Non, pas tellement. Oui, mais moins qu'avec le lacrymogène ordinaire. On bien. Sait pas ce que c'est. Bien, on pleure plus qu'avec le lacrymogène. Bien, effectivement, on pleure et on pleure pas mal. Les étudiants scandent des mots d'ordre. Eh bien, vous l'entendez, les étudiants scandent De Gaulle assassin. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure. Et plus tard dans la nuit. Alors j'appelle Pierre Lantenac. Pierre Lantenac. Tous les ouvriers devraient apparaître. Allô, Pierre Lantenac. L'antenne? Oui, tu l'as. Bon, bien, Pierre Lantenac ici. Je suis toujours rue Saint-Jacques et je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension n'a pas baissé. Les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tournés. Quant à la rue Gay-Lussac, eh bien, je crois que c'est l'axe principal de l'effort que mènent les représentants des forces de l'ordre. Il y a eu attaque, il y a eu contre-attaque et il y a eu surtout un barrage de grenades lacrymogènes et de grenades au chlore, me dit-on. Toujours est-il que ce n'est pas du gaz lacrymogène et que ça pique horriblement les yeux et les poumons. Autour de moi, eh bien, les étudiants sont toujours présents. La chaîne est toujours là, on travaille, il n'y a pas qu'un seul blessé, il y en a 40 blessés. Bien, vous voyez, je suis entouré et chacun essaie de me donner des informations. Effectivement, il y a certainement de part et d'autre. Il paraît que... Il balance des OF. Bon, vous entendez? Oui. On fait un appel aux Parisiens. Non, enfin, c'est inutile de faire un appel aux Parisiens. Nous sommes là pour donner l'information pure. On connaît la suite, la grève devient générale, Daniel Cohn-Bendit est interdit de territoire. Le 22 mai, au micro de l'ORTF, Alain Gesmard. Alain Gesmard nous a précisé tout à l'heure, au nom du SNESUP et de l'UNEF, les raisons profondes qui ont motivé cette nouvelle manifestation. Nous estimons qu'au moment où le Premier ministre lance à la tribune de l'Assemblée un appel à la négociation, nous estimons qu'au moment où le gouvernement dépose un projet de loi d'amnistie, qu'au moment où se déroule un débat parlementaire sur les événements qui viennent de se produire, cette attitude de répression du gouvernement à l'égard d'un des leaders d'une des organisations qui ont été à la tête de tout ce qui s'est passé, même à l'origine, à Nanterre, des manifestations, est particulièrement significative. Nous estimons que ça constitue une faute politique grave. Le gouvernement espère peut-être diviser les étudiants et les universitaires d'une part et les travailleurs d'autre part, mais nous pensons que cela va aller tout à fait à l'encontre du but poursuivi, que le mouvement de solidarité va se déclencher au niveau des entreprises occupées de façon éclatante. Nous pensons aussi que si le gouvernement espère négocier avec les confédérations ouvrières, ça m'étonnerait que cette négociation puisse avoir lieu s'il y a en plus une répression à l'encontre d'un de nos militants et à l'encontre des manifestations que nous tiendrons dans la rue à la même heure. Donc, manifestation sur le boulevard Saint-Michel, au cas où cette manifestation serait interdite par la préfecture de police et que les forces de police s'opposent au déroulement de la manifestation, quelles sont les consignes que vous donnerez à vos militants ? Pour nous, il est interdit d'interdire. Nous avons toujours appelé à des manifestations pacifiques et nos militants, qu'ils soient universitaires ou étudiants ou les jeunes ouvriers qui sont venus avec nous dans les premières manifestations, ont toujours été extrêmement disciplinés et scrupuleux quant à cette consigne de manifestation pacifique. Mais il est certain que s'il y a agression de la part des forces de répression, baptisées forces de l'ordre encore aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur à la tribune de l'Assemblée, nos militants sauront répondre aux provocations. Nous essaierons au maximum de conserver le caractère pacifique à cette manifestation. S'il y a agression, elle viendra de la part des forces de répression. Atermoiement, Baden-Baden, proposition de référendum, ça ne résout rien. Le 30 mai, allocution du président de la République. Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main en conséquence et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre, conformément à la Constitution, d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. En tout cas, partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Cela doit se faire pour aider le gouvernement d'abord, puis localement les préfets, devenu ou redevenu commissaire de la République, dans leur tâche qui consiste à assurer autant que possible l'existence de la population et à empêcher la subversion à tout moment et en tout lieu. La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c'est-à-dire celui du communisme totalitaire. Naturellement, on le colorerait pour commencer d'une apparence trompeuse en utilisant l'ambition et la haine de politiciens au rancard, après quoi ces personnages ne pèseraient pas plus que leur poids, qui ne serait pas lourd. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République! Vive la France! Le même jour, les gaullistes défilent sur les Champs-Élysées. Manifestation actuellement place de la Concorde pour le soutien de l'action du général de Gaulle. Trois de nos reporters sont sur place. J'appelle le premier, Marc Alvarez. Eh bien, on peut serrer des jeunes, des moins jeunes, tenant à bout de bras des banderoles sur lesquelles on peut lire « Vive de Gaulle », « Liberté, oui », « Anarchie, non ». Beaucoup d'applaudissements aussi. On entend encore des slogans tels que « De Gaulle n'est pas seul ». Il y a aussi beaucoup de drapeaux tricolores, comme vous le pensez. Tout se passe pour le moment, je dois le dire, dans le calme. Les organisateurs disposent de plusieurs services d'ordre qui canalisent la foule des badauds. Ils sont extrêmement nombreux, ces badauds, massés sur les trottoirs. La tête du cortège n'est plus très loin maintenant de la place de l'Étoile. Et je pense que d'ici environ un quart d'heure, la tête du cortège aura gagné cette place de l'Étoile. J'appelle à présent Alain Barrault. Alain Barrault, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Raymond Tortora. Eh bien, moi, je me trouve devant le rond-point des Champs-Élysées. Je suis au premier étage du journal Le Figaro, où passe en ce moment, si vous voulez, le corps de la manifestation. Les manifestants passant devant Le Figaro crient tous le même slogan, Le Figaro avec nous, Le Figaro avec nous. En tête du cortège, la tête donc qui est passée il y a quelques instants et qui n'est pas encore où se trouve Marc Alvarez, c'est-à-dire dans le haut de l'avenue des Champs-Élysées, en tête du cortège donc un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. Derrière les associations d'anciens combattants, beaucoup de drapeaux tricolores, Marc Alvarez vous l'a dit, et puis derrière ces drapeaux tricolores, à quelques mètres, si vous voulez, de la tête du cortège, des ministres. Parmi ces ministres, messieurs Debray, Malraux et Schumann. Monsieur le ministre, quel est pour vous le sens de cette manifestation? Un grand journaliste a écrit récemment, hier ou avant-hier, De Gaulle seul. Nous en faisons la démonstration. Et monsieur Michel Debray qui vient de répondre, monsieur Malraux. Monsieur Malraux. Bien répondu. Monsieur Malraux pense comme moi. Merci. Et Maurice Schumann aussi. De Gaulle est seul, vous le voyez? Voilà, vous venez d'entendre M. Michel Debray. M. Malraux n'a pas répondu à ma question. Je dois dire que les manifestants maintenant occupent à peu près la totalité des Champs-Élysées, c'est-à-dire que si l'on peut d'ores et déjà avancer un chiffre, je crois qu'on peut avancer le chiffre de 700 000. Beaucoup de slogans, je vous ai dit celui qu'on criait devant Le Figaro, j'en ai entendu d'autres. Allô? Raymond, oui, Alain Barrault, vous avez l'antenne. C'est recoupé. Plusieurs slogans, je vous ai dit celui qu'on entendait devant Le Figaro. J'ai entendu aussi Unité de la France, Arrêtez la violence, Mitterrand à la santé, Mendès au rencard, Giscard avec nous. Des portraits aussi, des portraits du général de Gaulle, et puis des banderoles où l'on peut lire Vive la France, Vive de Gaulle, et beaucoup de gens parmi les badauds dont nous parlait tout à l'heure Marc Alvarez, des gens qui se trouvent sur le trottoir et qui font avec les deux doigts le signe que l'on connaît bien, le signe du V, le signe de la victoire. Les mois ont passé. Nous voici à l'automne 68. Un mariage, célébré le 20 octobre, ne manquera pas de faire parler dans le monde entier, en tout cas Jean Co, irrité par ce mariage, ce remariage. Extrait d'une radioscopie présentée par Jacques Chancel. Jean Co, le mariage Onassis Kennedy a étonné le monde, on en parle, on en reparlera longtemps, et on peut craindre d'ailleurs que la politique ne s'en mêle. Ce mariage, comment le jugez-vous? Je le juge comme un événement à la fois dérisoire et monstrueux. C'est une espèce d'immense ballon gonflé de vent. Sous prétexte que Jackie Kennedy a été l'épouse du président des États-Unis, ça c'est un phénomène absolument publicitaire. Il suffit d'être jeune et d'être la femme de John Kennedy. Il fallait s'attendre à ce que la presse du monde entier s'abatte sur cette malheureuse. Et Jackie Kennedy est devenue un personnage absolument mythique. Il se trouve qu'aujourd'hui elle a épousé Monsieur Onassis. Bon, oui, évidemment, ça m'étonne énormément. Ça vous étonne vraiment? Ça m'étonne énormément, et en même temps, il y avait quelque chose dans la mâchoire de Jackie Kennedy qui me l'avait toujours rendu suspecte. Elle a une mâchoire qui me plaît pas beaucoup. C'est-à-dire? Quelque chose d'inhumain, de froid, de cruel, capable de broyer beaucoup de choses. Une mâchoire avec des maxillaires terrifiantes de menthe religieuse. Un manque d'humanité, ça? Un manque d'humanité, une espèce de froideur sèche. Quelque chose de rébarbatif dans le visage, de cruel. D'ailleurs, il me semble qu'il faut une certaine dureté d'âme pour constituer cette sorte de ménage à trois qu'elle est en train de constituer et dont le troisième membre sera un mort. Parce qu'on n'empêchera jamais Jackie Kennedy d'avoir été la femme de John Kennedy et il lui sera très difficile de devenir Jacqueline Onassis. Mais vous pensez que c'est un goût de la puissance qui a pu conduire Jacqueline Kennedy? Je ne sais pas. Ce qui m'aurait paru tout à fait normal, c'est si Onassis avait été pauvre. Là, j'aurais compris. Ou bien si Onassis s'était appelé Karajan, ou s'il s'était appelé Hemingway, ou s'il s'était appelé Braque. Là, je me serais dit, tiens, voilà quelqu'un qui est avide de devenir riche, mais intellectuellement. Tandis que, mon Dieu, Onassis, je crois qu'il n'est riche que de ses milliards. Et cela me semble extrêmement suspect. Et en plus, je crois que ça va très loin, car maintenant, elle a déjà perdu ses deux enfants, qu'elle ne va plus voir qu'aux environs de Noël. Vous ne croyez pas qu'il y a un décalage entre Jackie Kennedy, la mère, et puis Madame Onassis? Certainement, et ben, vous savez, ça, il faudrait lui demander, il faudrait se demander ce qu'elle a dans la tête le matin, j'allais dire quand elle se rase, non, mais quand elle se met ses fossiles et qu'elle se maquille et qu'elle se regarde en face, est-ce qu'elle peut supporter la madame Onassis qu'elle est devenue? Ça, c'est un problème qui lui est tout à fait personnel. Je vais finir par croire que vous n'aimez pas Jacqueline Kennedy. Je n'aime pas ce qu'elle vient de faire, en tout cas, puisque le cadavre de son beau-frère est encore chaud. Et il me semble que sans jouer les veuves siciliennes, oubliées à cette rapidité supersonique la mort du mari qu'elle a eu, me semble un peu excessif. D'autre part, puisqu'elle a été l'épouse d'un homme politique de cette envergure, cela impliquait certains devoirs. Et il me semble qu'elle n'a cru qu'elle n'avait que des droits. Le droit d'être riche, le droit d'être heureuse si elle l'est et si elle arrive à l'être avec M. Onassis, le droit de brader ses enfants... Et tout ça me semble relever d'un manque, comment dirais-je, d'allure, disons. Est-ce qu'il peut y avoir un prolongement politique? D'allure morale. Est-ce qu'il peut y avoir un prolongement politique dans ce mariage? Je n'en sais rien, je ne sais pas en quoi ça peut flatter les Grecs qu'un de leurs congénères, qu'un de leurs compatriotes ait épousé Madame Kennedy. Peut-être, les Grecs sont-ils flattés de cela. Un prolongement politique, je n'en sais rien. Les bruits les plus fous ont couru. On s'est dit, tiens, maintenant, Ted Kennedy va pouvoir financer sa campagne électorale et devenir président des États-Unis. Tiens, voilà que Onassis va remplacer le colonel Papa Machin qui est président du Conseil grec. Et peut-être a-t-il des ambitions politiques, mais je ne vois pas, non. Je ne crois pas. Je crois que c'est une espèce d'immense opération mondaine. Je crois que Onassis a tout réussi dans sa vie, paraît-il. Voilà, c'est une autre facette. Je crois que pour Onassis, c'est une grande victoire. Pour Onassis, c'est une très très grande victoire. C'est quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie. Alors il a dû se dire, j'ai des bateaux, j'ai de la fortune, je suis le maître des mers avec quelques-uns de mes amis. Eh bien, après avoir tout cela, je vais avoir la femme la plus célèbre du monde, comme il est à peu près impossible que la reine d'Angleterre divorce pour devenir bonne épouse. Eh bien, je vais épouser la veuve du président des États-Unis. Et il s'est attelé à cette tâche avec une obstination de marin grec, de paysan grec. Et il y est arrivé. Chapeau. Prenons l'affaire sous un autre angle. Vous pensez qu'une femme de 39 ans peut épouser un monsieur de 62 ans? Eh bien, ma mère, qui est une méridionale, quand on lui parle de ce genre de mariage, elle parle volontiers par proverbe comme Khrouchtchev, et elle a une expression absolument merveilleuse. Elle dit, eh bien, la pauvre... Les jours vont être courts, mais les nuits vont être longues. Onassis, c'était grec, ça, Janko l'a souvent dit. Qu'était l'Odyssée en 1968? Du passé? Non, de l'avenir, de la science-fiction. Bientôt, nous le savons, ils vont marcher sur la Lune. Ce sera en 1969. En attendant 1969, on est déjà dès 1968 en 2001. Vous avez suivi. Fin 1968, l'équipe du Masque et la Plume découvre ce qui est aujourd'hui un film mythique, culte, enfin tout ce que vous voudrez, 2001, l'Odyssée de l'espace. Quel accueil lui fut réservé lors de sa sortie? Il s'agit donc d'un film de Stanley Kubrick, un film de science-fiction. Très important en cinérama. C'est plus que ça. Non, c'est un film en 70 mm normal, oui. Qui est projeté au cinérama. Marc Abreu. Tout ce qui est autour qui est grand. L'argent dépensé. D'abord la somme considérable qui a été dépensée pour le film. Ensuite, c'est le film lui-même qui est assez fascinant. Les couleurs, Mardor. Il me passionne totalement et sans réserve. Sans réserve, Jean-Louis Bourdin. Moi aussi, il me passionne totalement. Comme j'y comprends rien, c'est merveilleux. Michel Aubryan. Moi, je le trouve d'une très grande niaiserie, je suis désolé. Vrai d'ailleurs. Ce aussi. Ne sont pas les milliards qui ont été dépensés qui me fascinent. Je trouve ça très niais, évidemment. Il y a des trucages. L'espèce de métaphysique fumeuse et vasouillarde de ce film, je trouve ça, hélas, un petit peu pitoyable, mais c'est une opinion tout à fait personnelle. Une question, Michel Aubryan, pour éclairer quand même à lanterne, est-ce qu'en général vous vous intéressez à l'espace, la science-fiction, les planètes? Oui, mais dans la mesure où c'est d'une grande naïveté et où ça n'a pas de prétention philosophique ou métaphysique. Ce qui me gêne dans tous les films de Kubrick, c'est une espèce de prétention à vouloir penser à tout prix. Et comme beaucoup d'Américains, et surtout la formation de Kubrick, c'est un ancien photographe de Vogue, ça n'est pas un ancien professeur de philosophie, il pense un peu avec ses pieds, quoi, c'est très primaire. Bon, merci. Quand Dieu est représenté par une espèce de parallélépipède, bipède métallique. Je trouve ça un peu niais. Quoi. C'est toi qui dis que c'est Dieu. Ah, oui. Jamais le film ne l'affirme. On a, oui. Mais enfin, c'est Dieu, c'est la connaissance, c'est la conscience, c'est ce qu'on veut, quoi. Bon, non, mais Marc Abreu veut vous répondre. Merci. C'est surtout d'un prodigieux ennui. Ah non, pas du tout. C'est d'un ennui accablant. Pas le moins du monde. Non, merci je crois d'abord qu'il y a un élément premier, c'est qu'il ne faut pas chercher un message dans le film, mais qu'il faut voir le film tel qu'il est. Il est fascinant en lui-même. Je crois qu'il faut quand même dire un peu ce que c'est. Il y a une première partie qui s'appelle l'aube de l'humanité, qui à mon avis est la partie la plus faible du film. Où l'on voit des citoyens britanniques, c'était tourné en Angleterre, avec des poils sur le dos déguisés en singes, qui remuent, se secouent beaucoup. C'est purement grotesque. Pardon ? Grotesque pour c'est purement grotesque. Oui, cette première partie est assez faible. Alors donc, c'est l'aube de l'humanité, passons vite. Nous arrivons à une seconde partie qui est de pure science-fiction, qui se passe en l'an 2001, je crois, exactement. Et c'est un départ d'une fusée, d'une sorte d'aérobus vers Jupiter. Et là, il y a un petit film dans ce second volet en lui-même, c'est l'histoire de personnages qui sont dans une fusée qui est dirigée par un ordinateur. Or cet ordinateur est extrêmement complexe et accomplit absolument toutes les actions qu'on lui demande. Et brusquement on s'aperçoit que cet ordinateur va plus loin encore, c'est-à-dire que peu à peu il a une âme, il a une existence autonome et propre, et il se révolte contre les hommes qui sont dans cette fusée. Plus exactement, il prend son indépendance par rapport à ces hommes, et ceux-ci, il n'en reste plus qu'un, sont obligés de le déconnecter, c'est-à-dire de le tuer physiquement, et on assiste à la mort de cet ordinateur. À ce moment-là, on atteint une sorte de poésie presque surréaliste qui est assez fascinante, et ça, c'est très beau. Cette seconde partie, moi, m'a beaucoup impressionné. Puis, il y a une troisième partie où un seul cosmonaute, si l'on veut, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un cosmonaute, disparaît, va jusqu'au fond des temps ou au fond de l'espace. Et alors là, il me semble que Kubrick a utilisé un peu, on a l'impression, au moins une sorte de rêve coloré, un côté hallucinogène que peut donner par exemple certaines drogues hallucinogènes. Et là aussi, on arrive à un surréalisme, à quelque chose d'étrange, de mystérieux, et qui va quand même très au-delà de ce que l'on a vu dans le dépassement de la réalité, ou une surréalité. Si vous voulez, ça ressemble un peu dans la fin ouverte, en quelque sorte, à Arthur Gordon Pym. Vous savez, au moment où Arthur Gordon Pym tombe dans le tourbillon, comme ça disparaît, il y a quelque chose de fantastique qui se passe. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et là encore, avec infiniment de trucages et évidemment beaucoup de moyens, parfois des facilités aussi, on arrive quand même à un dépaysement que moi, personnellement, j'ai rarement vu au cinéma. Là, je ne dis pas du tout de la vie d'Aubryon. Je trouve qu'il se passe quelque chose. Quant au message, alors là, au fond, ça a tellement, à mon avis, peu d'importance. Ce qui est important, c'est visuellement un film très fascinant. Bon, oui, mais moi j'ai deux choses à répondre à Marc Abreu. Il nous dit il y a une première partie qui est les singes et il y a une seconde partie. Il se trompe, il oublie une seconde partie qui est des espèces de vaisseaux spatiaux, des espèces de bidules qui voguent dans l'espace sur une musique de Strauss. C'est absolument ridicule. Et à la fin, le personnage se trouve dans un appartement directoire. Enfin, alors j'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire, ça. Parce qu'enfin, depuis le début du film, pendant 2 heures, on a maintenu une sorte de suspense, on a essayé de choses. Alors, pour aboutir à quoi ? Pour aboutir à un gars qui est dans un appartement directoire, oui, puis qui se voit à l'âge de 70 ans et qui se voit mourir toujours en face de cette espèce d'immense bidule. Donc, il y a manifestement une volonté de message. Ce que j'aimerais, c'est qu'on m'explique ce qu'est ce message. Et ce message nous empoisonne, dans la mesure où un film de science-fiction, il faut une espèce d'immense naïveté, il faut une espèce d'immense poésie, alors que le type, il veut penser tout le temps. Alors, si on m'explique le message, je serais peut-être convaincu. Ce que je reproche au film, c'est que tout est attendu. On s'attend à la bagarre avec l'ordinateur. Comment peux-tu dire que tout est attendu alors que tu prétends ne pas comprendre la fin du film ? Non, je prétends ne pas comprendre le message métaphysique du film. Je ne le comprends pas pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il se trouve que moi, j'ai peut-être une position en face de l'infini qui n'est pas la vôtre. C'est différent parce que je suis catholique, quoi, c'est tout. Bon, ben, je crois que Non, mais le film est extrêmement important. Justement, et ta position s'explique par ça, je crois. Que cette espèce de réticence de quelqu'un pour qui ces questions-là ont déjà une réponse. Oui. Voilà. Bon, moi, je suis quelqu'un pour justement ce genre de réponse. Ce genre de question n'a aucune réponse. Ou du moins, elle se présente sur une série de points d'interrogation dont la réponse est constamment reculée. Et le film de Kubrick est intéressant dans la mesure où, justement, il recule encore d'un cran les réponses qui ont été apportées pour toi à une certaine date, par un certain message, qui est historiquement bloqué. Et alors, pour Kubrick, et justement, je rappelle qu'en ce moment, il y a trois gars qui tournent en ce moment autour de nous. Apollo est parti, il débarque. Complètement. Il faut peut-être lui dire aussi que les Jeux de Mexico, ça se passe à Mexico. Ah bon, très bien. Voilà, très bien. Alors, lorsque tu dis c'est banal, c'est ça qui est d'abord fascinant, c'est que 2000 ans, en effet, c'est demain matin. On verra peut-être. Enfin, on verra peut-être 2001. En tout cas, ceux qui sont jeunes dans cette salle verront manifestement 2001. Par conséquent, peut-être qu'il y aura des reportages, il va y avoir des reportages directs à la télévision avec les gars qui tournent écoute d'Apollo. Bon, c'est déjà fascinant. Mais c'est en effet repousser au-delà de certaines frontières certaines réponses. Et Kubrick, ce n'est pas du tout un film matérialiste. Il ne nie pas les réponses. Il dit simplement la question existe. Et cette question est représentée par ce caillou noir qui, quelle que soit l'époque de l'humanité, s'est trouvé là comme point de repère. Et à partir de quoi tu peux donner toutes les réponses que tu veux. Tu peux dire, bon, pour moi, c'est Dieu. Ce caillou noir... Attends, tu permets que je délivre le message. Justement, c'est ce que j'attends. Est-ce que tu veux que je fasse le facteur? Je le fais. C'est ce que j'attends. Bon. Alors, ce caillou pour toi, toi croyant, tu peux dire, bon, il est bien évident que Dieu est avant les singes. Que Dieu sera là lorsqu'on arrivera sur la Lune. Que Dieu sera... sur orbite au milieu des espaces interplanétaires lorsque nous irons vers Jupiter. Et que Dieu sera là lorsque le malheureux gars qui est allé jusqu'au bout de cette limite à laquelle Kubrick s'arrête pour cause. Et il y aura encore autre chose derrière. Bon, Dieu est toujours là. Bon, très bien, c'est une réponse. Mais il y en a d'autres. D'autres qui peuvent être, alors purement de science-fiction, c'est-à-dire que cette présence-là, ce repère, a été déposée peut-être par d'autres explorateurs apportant un autre système que le nôtre. Et qui se présenteraient sous d'autres formes que le nôtre, pour qui le temps et l'espace ne seraient pas le même que le nôtre, qui ont déjà depuis longtemps exploré tout ce que nous découvrons maintenant, et qui déjà ont posé leur petite crotte à telle époque, et sur telle planète, et qui ont négligé notre nébuleuse parce que c'est la roupie de Saint-Sennet. Bien sûr qu'il existe une vie ailleurs. La preuve, en 1968, venue de l'espace et installée sur les écrans de la télévision française, des êtres étranges vont s'exhiber et diviser une fois de plus ce cher vieux pays. Les Shadok et les Jibi qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller vivre sur la Terre. Les gibis étaient de petits animaux très gentils avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Et ils étaient très, très intelligents. Pour aller sur la Terre, ils ont construit une fusée. Elle fonctionne grâce à un combustible super puissant, le Cosmogol 999. Dès qu'il y aura suffisamment de combustible, la fusée Jibi pourra partir. Mais quel est ce combustible miracle? D'où les Jibi l'extraient-ils? Comme vous le savez, la planète Jibi est plate. Dès que l'on creuse un trou, on tombe de l'autre côté. Les Jibi ne peuvent donc rien extraire du sous-sol. Sans cela, leur planète serait une vraie passoire. Ces Jibi extraient le Cosmogol 999 de l'atmosphère. Celle-ci est recueillie dans d'énormes entonnoirs à atmosphère, et puis pompée dans des pompes à atmosphère. Par un procédé secret, les Jibi en extraient le Cosmogol brut, dit Cosmogol de première pression, qui, une fois raffiné, concentré et enrichi, donne le fameux Cosmogol 999 qui propulsera la fusée Jibi. I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. And every night I'm back. is like the stars that please the night, the sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. L'interdiction du chêne noir, la présence du Living Theatre, l'attitude de son cofondateur Julian Beck. Au micro de Roger Pillaudin, Jean Villard et Michel de Beauvais revenaient quelques semaines après sa clôture sur ce festival agité. Jean Villard, comment avez-vous reçu cette contestation de ce festival? Parfois avec le sourire. Mais enfin, il était assez difficile de pouvoir répondre à, comment dirais-je, une sorte de logomachie presque constante, enfin. C'est-à-dire une chose assez désordonnée. Une question était posée, ou vous était posée. Vous commenciez une première phrase, et vous n'alliez pas plus loin, il y avait une coupure. Alors, il était facile, il fallait s'arrêter. Attendre qu'on revienne le silence. Enfin, c'était une espèce de jeu Fittenham était assez intéressant. C'était intéressant, auquel on a, personnellement, je prenais part pour la première fois, n'ayant jamais participé à, disons, à une campagne électorale violente. Mais tout de même, en ce qui me concerne, ça devenait rapidement assez décevant. J'ai assisté aux deux premiers vergers, je ne suis plus venu ni au troisième ni au quatrième. Je suis revenu au cinquième parce qu'il y avait eu un événement important qui s'était passé la veille. Et puis je ne suis revenu qu'au dernier. Pourquoi ? Parce que, bon, étant directeur du festival, étant à l'origine de toute cette histoire de 22 ans, immédiatement, tout convergeait sur moi. Et je trouvais que ni le thème ne pouvait être traité, ni celui que les assises proposaient, ni celui-là même que les contestataires proposaient. Alors, il valait mieux carrément ne pas assister à ces réunions. J'aurais aimé créer le festival de Bouzigues et être venu assister au verger d'Urbain V. J'aurais été certainement de 5 à 7 parce que tout dans ce désordre, il y a là quelque chose que par rapport aux événements que nous avons vécu et que, à mon sens, nous allons vivre. Il y a un apprentissage, non pas des qualités de raisonnement, des qualités, disons, purement intellectuelles, mais des qualités de résistance intellectuelle. Il y a un apprentissage physique de l'événement politique, de l'événement social. Je crois que nous avons vécu une période, certes, pour bien d'entre nous, bien des Français, difficile depuis 1940. Mais depuis 1945, disons que nous vivons dans une période de paix, quelques événements politiques intérieurs considérables qui aient pu survenir, grève, bagarre entre la police et des manifestants de 47, 48 et d'autres, bon, etc. Nous nous trouvons là dans une période où on risque, ce que nous avons vécu ici, on ne sait pas ce dont demain sera fait, même si les structures de la société paraissent d'airain, justement parce qu'elles le paraissent peut-être. Et puis je crois aussi qu'il y avait une période où les mandarins étaient incontestés ou respectés, et je me demande si ce n'est pas assez sain que les mandarins se soient contestés. J'allais vous demander justement sur le fond même, sur le fait même de la contestation de Villars et du festival. Comment avez-vous réagi? Comment réagissez-vous aujourd'hui? Non, franchement, je ne sais pas peut-être en parler, mais je pense que c'est ceux qui ont vécu. Je me demande ma réaction personnelle. Elle a été certainement absolument différente suivant les heures, suivant les événements, suivant les ondits, suivant l'intox. Car nos jeunes camarades sont passés maîtres dans l'intox. Et on voit à quel point, j'ai appris à quel point, c'est vraiment une arme politique. Et la fausse nouvelle. Je n'ose pas dire le mensonge, parce que je trouve que c'est un petit mot. Enfin, et c'est vrai, enfin, on pourrait dire qu'ils appliquent la formule, enfin, peu importe le moyen, pourvu qu'on arrive à un certain but. Je veux bien, mais là, nous voudrions le connaître, ce but. Enfin, on appartient à la vieille génération, ou, c'est pas le côté vieille génération, c'est une question peut-être d'âge qui fait que tout d'un coup on peut voir clair, mais c'est pas une méthode révolutionnaire, vouloir voir clair. Vers où l'on va. On sait ils savent ce qu'ils ne veulent pas, en tout cas. Et cela est important, et je crois que cela, ils le veulent nettement et fermement. Ça nous imposera peut-être aussi un certain ton, parce que les discours, les sermons, les prêches passent très mal devant cette contestation. Ah oui, ça nous obligera peut-être à trouver une nouvelle manière d'exposer nos arguments. Mmh. On l'a vu quand on a essayé d'exposer les travaux des commissions. Ça ne passait pas au verger. Oui. Vous savez, il y a certains bourgeois qui veulent couper les cheveux longs de nos jeunes camarades, mais je crois que les mandarins doivent désormais se couper eux-mêmes leurs longues nattes. Est-ce que vous pensez que ces assises se seraient déroulées de la même façon si deux événements n'avaient pas eu lieu? Le premier, l'interdiction du chêne noir. Le second, la présence de Living. Bon, dans une certaine mesure, oui. Évidemment, ça a beaucoup compliqué les choses. Ça les a compliqués tout de suite, n'est-ce pas? De toute façon, il y aurait eu autre chose. Vraiment, l'interdiction du préfet du Gard, après tout, nous sommes vauclusiens ici, nous n'avons rien à voir avec les décisions prises dans un autre département. La décision du préfet du Gard, vraiment, une chose... je ne trouve pas d'adjectif, j'ai cherché pendant les vacances. Disons qu'elle est surprenante, étonnante, absurde, enfin... Oui, bien sûr, mais... Ce que je me demande, elle nous a beaucoup gênés. Si nous n'avions pas eu ces deux événements, le débat aurait été plus clair entre ceux qui pensaient qu'il fallait discuter dans le cadre limité mais réel qu'offraient les assises du théâtre et ceux qui disaient qu'il est dérisoire de discuter alors que les événements appellent à l'action. Mais finalement, la confusion dans laquelle on s'est trouvé à cause de ces deux événements elle reflète quand même la confusion dans laquelle on se trouve en France et dans la vie réelle. Les événements réels sont toujours confus. Alors on aurait pu créer artificiellement un cadre de discussion en dehors des événements. Je ne trouve pas mauvais qu'on y ait été plomb, avec le recul du temps, parce que sur le moment même, j'ai trouvé ça très mauvais. Mais avec le recul, on peut se dire qu'il y a rarement des événements purs ou des absences d'événements qui permettent de discuter dans l'abstrait. Je crois que les problèmes qu'on se pose actuellement dans la société française ne sont pas beaucoup plus clairs que ceux qu'on a vécu pendant le festival. Alors, que s'est-il passé avec le Living ? En ce qui me concerne, je trouve qu'il y a eu de la part de Julien Beck une attitude étonnante. Non pas seulement à l'égard du festival, mais voyons les choses d'homme à homme. Il y a un minimum d'engagement d'un homme à un autre. Minimum d'engagement, c'est-à-dire, par exemple, inclus tous les deux dans un système qui est au moins celui du festival et que Julien Beck avait accepté. Quand Julien Beck a décidé dans la dernière journée de se retirer du festival, je ne l'ai appris de quelle façon. Je l'ai appris en fin d'après-midi et pas par lui. Je vais faire rapidement la chronologie de cette journée. Nous avions rendez-vous, lui, Julien Beck, Paul Piau, l'administrateur, et moi-même à 11h du matin. Julien Beck nous téléphone, je ne peux pas à 11h, bien, très bien, à quelle heure voulez-vous? Eh bien, à 4h. À 4h, Paul Piau et moi-même ne voyons pas arriver Julien Beck, qui est au téléphone et prend rendez-vous pour 5h, pas de Julien Beck. Et à 6h, 6h30, Julien Beck annonce publiquement à tous les membres du Verger, c'est-à-dire à sa foule, fait un geste à mon sens démagogique, et annonce à la foule du Verger, où il y avait tous les contestataires, qu'il se retire du festival alors que nous attendions dans une pièce pacifiquement. Je trouve que on peut faire cela, c'est un acte refuse un certain plan de morale, d'accord, mais à ce moment-là, de mon côté, moi je suis obligé d'en tirer les conclusions. C'est-à-dire que c'est un homme avec qui on ne peut pas s'engager. Ça m'a fait penser à un personnage que j'ai déjà joué. Cela va vous surprendre peut-être que de dire que Julien Beck est Don Juan, mais il a très exactement joué le rôle de Don Juan à l'intérieur de ce festival. C'est-à-dire que quelques paroles que l'on ait données n'ont aucune valeur. Don Juan n'est pas un homme seulement à femme, il est un homme aussi qui refuse la parole donnée au père, la parole donnée à la femme. Bon Dieu, je trouve cela concevable, mais c'est celui qui refuse aussi au début du cinquième acte, de tenir ses engagements à l'égard de Don Carlos, qu'il estime beaucoup. Je sais que Julien Beck a une certaine estime, j'ai joué le rôle de Don Carlos, mais ce sera bien la dernière fois. À partir de ce 22e festival, est-ce que votre propre conception du festival va changer ? Ma propre conception du festival, je crois qu'il ne faut pas en tenir compte. La jeunesse, de toute évidence, c'est politisé. De toute évidence. Bon. Or, le Festival d'Avignon comprend plus de 60%, exactement 62% de spectateurs de moins de 30 ans. Ceci à la suite d'une enquête sociologique dont le dépouillement a duré 7 mois. C'est un travail extrêmement sérieux. Donc, puisque ce Festival d'Avignon comprend plus de 60% de spectateurs de moins de 30 ans, le Festival d'Avignon s'est aussi politisé. Nous ne pouvons plus donc soit administrer, soit organiser, soit concevoir le Festival d'Avignon comme par le passé. Les poings, je regardais danser. C'était les années 60, aujourd'hui 1968, quatrième émission. Une émission de Philippe Garbi, mixage Claire Levasseur, document INA Hervé Evano, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune. Réalisation Annie Douel. À suivre et d'ici là à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.